J'ai une idée. Et si au lieu de voter, on laissait les candidats à la présidentielle s'affronter sur un jeu vidéo? Mais pourquoi pas? Soyez pas choqués, vous allez pas me faire croire qu'on est au-dessus de ça ou que ça nuirait à la fonction. Vous avez vu comment il y en a qui se préparent à la fonction depuis 2 ans? J'ai vu des chanteurs avec des cuissardes se présenter sans bégayer à la plus haute fonction de la République. Des humoristes qui bourrent Bercy, des chroniqueurs télé. J'ai vu des ministres s'exprimer dans des émissions où on te verse des nouilles dans le slip. J'en ai vu d'autres parler de leur chat avec la présentatrice de L'Amour est dans le Pré. J'ai vu des politiciens devenus candidats sans programme, juste par un concours de popularité. Donc franchement, s'affronter sur un jeu vidéo, ça me semble pas être le plus délirant qu'ils puissent faire. Et puis, on se révèle tellement soi en jouant aux jeux vidéo. Il y a le stratège qui attend son moment, il est toujours à la limite de la sortie de ring pour mieux surprendre ses adversaires. Il y a le bourrin qui compense la fragilité de son personnage par une agressivité permanente. Il y a le ou la débutante qui se retrouve dans la partie en pensant qu'on va lui laisser le temps d'apprendre les coups. Et puis il y a le vieux briscard, le joueur que tout le monde connaît parce qu'il finit toujours 3e sur le podium. La différence entre une présidentielle et un jeu vidéo, c'est que dans une présidentielle, t'es souvent perdant, même quand il joue pas. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Ils ne sont pas légion, les jeux vidéo qui mettent tout le monde d'accord. Joueurs d'un jour et joueurs d'une vie. Il y a évidemment Mario Kart, l'indétrônable, peut-être bien quelques jeux de plateforme ou de danse et encore. Et puis, il y a Super Smash Bros., le jeu de combat matiné de jeux de plateforme qui voit s'affronter tous les plus grands personnages de l'écurie Nintendo, Mario, Link, Pikachu, Donkey Kong ou encore Kirby, mais pas que. Dans le dernier opus sorti sur Switch, on retrouve aussi bien Sora de la franchise Kingdom Hearts que Sephiroth de Final Fantasy ou bien la redoutable Bayonetta des studios Platinum. Ce dernier jeu issu de l'esprit du génial Masahiro Sakurai s'est vendu 22,85 millions d'exemplaires sur le globe. Et pour comprendre d'où vient l'engouement autour de cette délicieuse franchise, j'ai avec moi William Gluttony Belaïd, joueur de Smash Ultimate, bonjour. Bonjour. Pour la chaîne Solary TV sur Twitch. C'est ça. Avec lui, son manager, bonjour. Bonjour. Le streamer et chef de projet de Smash Bros Ultimate pour la chaîne Solary TV sur Twitch, NTK. Enchanté. Avec nous également le streamer Ryan, bonjour. Bonjour. Sur la chaîne Étoile Twitch. Avec nous, Corentin Benoît Gonin, bonjour. Enchanté, bonjour. Vous êtes journaliste de jeux vidéo. Et enfin, Foster, bonjour. Bonjour. Joueur et chroniqueur dans l'émission Le Stream. Ensemble, on va retracer l'histoire de Super Smash Bros, son créateur, ses mécaniques de jeu, son casting, pourquoi et comment ce jeu résiste invariablement à l'épreuve du temps, comment l'e-sport, ses compétitions de jeux vidéo, s'est-il emparé de cette licence, comment préserver des amitiés quand vos potes ne cessent de vous éjecter du ring avec Captain Falcon. Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre pendant un peu plus d'une heure. Blockbuster Super Smash Bros, c'est parti. On va pas partir sur du Smash compétitif, 3 stocks sans objet, etc. Parce que sinon, vous allez passer un sale quart d'heure, je pense. Mais en fait, là. Il fait beaucoup le malin, je trouve. Ah là, je suis sur mon domaine. Là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer un mode qui s'appelle le Smash Down. Donc, en gros, ça va être un mode de jeu où si on se fait toucher une fois, on meurt. Voilà. Okay. Donc vous n'avez pas besoin d'être spécifiquement fort. Bon. Juste si jamais vous arrivez à nous toucher, on meurt. Et pareil, de notre côté. Attends, on voit là ou pas? Ouais. Attends, mais là, faut juste se mettre un coup. Ouais, là, on a un coup, on est mort. Putain, je suis où? Je suis là. Ah, c'est bon. Donc, attaque légère, c'est A. Hein. Et attaque lourde... Ok, bon, bah, du coup, Gotha, c'est out. Ah ouais? Ouais, pour les touches rapidement, là, c'est bouclier, j'ai vu. Ouais. Attaque légère, attaque lourde. Ouais. Plus ou moins, B, c'est les attaques spéciales, effectivement. Ouais, attaque spéciale. Et si jamais t'as envie de revenir sur le terrain, c'est B en haut. BO pour le petit jump vers le haut. Ouais, non, en vrai, c'est chaud de découvrir le jeu. T'as un double saut. T'as un double saut. Si t'appuies 2 fois sur le bouton saut, t'as un double saut. Et après, si t'appuies sur B en haut, de manière. En plus, c'est. Okay. Bah là, ça donc j'ai double saut plus B en haut. Donc attaque haute. Ok, c'est comme dans Brolala. Ouais, par contre, Gotha meurt pas. Ah, c'est... Donc là, faut juste survivre en fait. Ouais. Par contre, attends. C'est un Battle Royale version. Bah tu vois, t'as réussi à fumer. Gotha, il m'a fumé. Gotha, il m'a fumé. Je fais une technique. Attention, non, Gotha. Mais par contre, c'est pas les mêmes touches que. Je sais pas le jouer. Je trouve que c'est pas intuitif que la touche du saut ne soit pas. La technique anti-jeu. Bien joué. J'ai le seum. Alors évidemment, si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette séquence, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Eh bien ça, c'est Gotaga, le rire jaune, Dwagby et Kevin sur la chaîne de Gotaga qui découvrent en direct le jeu Super Smash Bros. Et effectivement, une première partie, eh bien, c'est fait de ce genre de d'échange. Mais B, c'est quel bouton pour faire le bouclier ? Mais là, je vais tomber de la... C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Etc. etc. Et au bout d'un moment, le fun arrive et on découvre la richesse de ce jeu. Mais avant toute chose, il faut définir ce qu'est Super Smash Bros. Et là, je vous pose la question à vous tous. Pouvez-vous définir ce qu'est un brawler pour les néophytes? Parce que c'est souvent sous ce terme un peu valise qu'il est résumé, mais il y a débat, est-ce que Super Smash Bros. Est un brawler ou non? NTK? Alors moi j'ai envie de dire, en général on utilise plus le terme platform fighting, je pense que c'est plus ça qu'on utilise, donc un jeu de combat sur des plateformes. Après c'est vrai qu'on a des jeux, donc notamment à partir de Smash Bros Brawl et Brawlhalla, il y a eu aussi Brawl aussi, un autre jeu hein, qui est indépendant qui est sorti, donc c'est vrai qu'on commence à se tourner vers ce terme, mais en général on parle de plus de platform fighting, et oui Smash Bros bah, c'est le pionnier quoi. Et qu'est-ce que c'est exactement qu'un platform fighting, un jeu de combat sur plateforme? En quoi ça consiste? Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient absolument pas. Alors, en gros, pour donner une image concrète, je pense que tout le monde connaît la boxe. Je pense que tout le monde connaît le sumo. Street Fighter, c'est de la boxe. C'est-à-dire qu'on se combat. S'il y a un KO, donc il n'y a plus d'énergie, la personne est au sol, c'est KO, c'est fini. Alors que Smash Bros, c'est plus du sumo. C'est-à-dire qu'on va taper la personne, mais tant que la personne n'est pas en dehors du ring, bah... elle est vivante en fait. Donc c'est un peu ça qu'on utilise pour comparer un petit peu les deux. Et je pense que c'est une image assez parlante. Oui, parce qu'en fait, dans Super Smash Bros, une des singularités, c'est qu'on fait monter un pourcentage de dégâts chez l'adversaire. C'est ça. Et quand ce pourcentage est assez haut, on peut faire un smash, c'est-à-dire un gros coup qui, si le pourcentage est important, va complètement l'éjecter du ring. C'est ça. Et donc vous assurer la victoire sur ce personnage. C'est exactement ça. Là où dans Smash Bros on doit faire monter les pourcentages, dans Street Fighter on doit faire baisser les points de vie. Donc c'est des mécaniques différentes, mais au final c'est très sympathique aussi. Et dans l'histoire du jeu vidéo, à quel moment on a vu apparaître ce type de jeu? Moi aussi loin que j'y réfléchis, ça, je vois Power Stone de Capcom, mais voilà, je sais pas trop. Quel est votre avis là-dessus? Après, moi étant un peu plus jeune. en termes de jeux vidéo, moi le premier exemple que j'ai, bah, c'est la première séquence de Smash sur Nintendo 64, quoi. Où c'était vraiment le début, l'avènement où plein de gens, même encore il y a des gens qui continuent à jouer à Smash Bros sur 64, il y a même des concours de combos, tellement le jeu permet ça. Mais en fait dans ma tête, j'ai tellement l'impression que Smash est un pionnier de ce mode-là, que même s'il y a eu des itérations, des choses différentes dans le platform fighting, il y a que Smash dans ma tête. Pour pionnier quoi. Même dans ma vie, j'ai envie de ouais, dire. Ouais, dans ma vie aussi. Dans ma vie, on est complètement. Bon, après, autour de cette table, je pense qu'on est un peu tous un peu piqués par ce, jeu. Mais, pour le coup, ouais. C'est vrai que de toute façon, il n'y a vraiment rien d'autre en fait avant Smash Bros. Buster. C'est un peu la période 99-64. Et avant, on a eu tout ce qui était les consoles un peu 16 bits, etc., qui était un peu limité d'un point de vue technique de toute façon. C'est difficile d'arriver à innover, mais on testait des choses, on se cherchait un peu pour voir justement comment essayer de faire changer un peu le jeu de combat qui était très populaire à cette époque. Et on a eu du coup quelques jeux où en effet ça se baladait sur les plateformes. Il y avait, je l'ai noté, c'était Outfoxes, oui. qui est un vieux jeu où en effet qui serait un peu une sorte d'inspiration, mais qui restait sur des barres de vie. On se baladait dans une arène assez grande. Cependant, en effet, Smash Bros a été pionnier et est toujours de façon le leader dans le platform fighter aujourd'hui. En fait, quand Masahiro Sakurai travaille sur Smash Bros, déjà il le fait un peu en 2D. Il dit pas on va mettre Mario, on va mettre Pikachu. Il travaille simplement avec des personnages un peu génériques. C'est ensuite pour un petit peu. Oui, d'ailleurs, il avait pas effectivement pas demandé la permission et c'est après les créateurs de ces différents personnages qui ont dit mais qu'est-ce que t'as. Il l'a fait un peu en loose day aussi, il l'a présenté aux exécutifs de Nintendo. Bon bah j'ai mis Mario, j'ai mis Pikachu, c'était pour vous montrer un concept un peu plus sexy que simplement des guerriers un petit peu génériques et lambda. Mais c'est vrai que à la base, Masahiro Sakurai a vraiment réfléchi à comment prendre le jeu de combat qui était un genre assez populaire dans les années 90, très typé arcade, mais un petit peu aussi comment dire bien englué dans ses codes pour en faire quelque chose qui va plus s'approcher du party game, un peu comme Mario Kart a transformé le jeu de course en party game. C'est vrai que la première volonté de Masahiro Sakurai, c'était d'en faire un party game, ce qui ensuite va d'ailleurs provoquer d'autres remous dans l'histoire de la licence, mais on va sûrement en parler un peu plus tard. Oui. Et donc, vous, votre rencontre avec Super Smash Bros, c'est arrivé à quel moment et sur quelle console ? Moi c'était du coup sur Nintendo 64. Le jeu était sorti, je le voyais de loin, il avait l'air assez incroyable. Et je devais avoir quoi, je devais être en CM2 peut-être, un truc dans le genre, même moins, même avant. Et enfin primaire du coup, quoi qu'il arrive. Et je suis allé chez un pote qui du coup l'avait. Et je vois encore cette image de lui qui se tape avec son frère. Je sais plus qui étaient les persos sur le terrain, mais je me rappelle juste de ce ronflex gigantesque qui sort d'une Pokéball et qui écrase absolument tout l'écran. Et c'était un peu le rêve de gosse. Moi j'ai grandi avec les licences Nintendo de toute façon. Là enfin on peut décider c'est qui le meilleur entre Link et Pikachu. Il est temps qu'on se tape dessus. Corentin ? Moi c'était Smash Bros Melee, donc en 2002. J'avais économisé toutes mes petites pièces de... toutes mes petites pièces pour avoir ma GameCube et une manette et un jeu. C'était Smash que j'avais choisi. Et ce que j'en regarde, moi, c'était à l'époque, il y avait quand même un sacré fossé graphique entre la Nintendo 64 et la GameCube. Moi, je me souviens juste de la texture de la salopette de Mario sur Melee. J'étais comme un fou, quoi. C'était incroyable. On fera jamais plus beau. C'est faux, bien sûr, on a bien fait beaucoup plus beau après, mais, mais c'était incroyable. C'est la beauté des souvenirs. C'est vrai, il faut s'en méfier d'ailleurs. Quand on joue aux anciens jeux, on a souvent de mauvaises surprises. Non, mais c'est le même rapport avec des vieux films. Hein. Oui. Des fois, il vaut mieux les garder à l'état de souvenir plutôt que de les revoir. C'est un bon conseil culturel, je pense, de manière générale. NTK ? Alors moi, c'est un peu comme Foster, hein, c'est-à-dire que c'était sur 64. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près le même âge. Hein, donc... c'est un peu voilà. Et en fait, j'étais simplement allé chez un pote comme ça random et il me fait "Hey, tiens, regarde, j'ai eu ça pour Noël." Je fais "Ah, c'est quoi ?" Et je vois, il y a Link, il y a Kirby, je fais "Oh, mais c'est quoi ton jeu ?" Je prends une manette, je teste et je suis tombé amoureux du jeu, hein, vraiment. C'était incroyable. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a toujours, parce que c'était la même chose pour moi, toujours cette idée de ce copain qui vit une sorte d'Eldorado, dans une sorte d'Eldorado, sa chambre, il a la console, il a le jeu, et il fait venir l'extérieur. Et en fait, on voit des gens qui se cassent le tronc pour essayer de faire des campagnes de pub. Non, il faut juste acheter des copains avec des bonnes consoles, parce que c'est largement plus prescripteur que tout le reste. Est-ce que les streamers stars ne sont pas un peu les nouveaux copains, finalement? Oui, sauf que au déménagement, ils viennent jamais aider. C'est vrai, ils viennent jamais aider. Ils viennent pas aider, mais... Tony ? Bah moi c'était exactement ça, vraiment ça, c'est-à-dire que je suis allé chez l'ami d'un ami, je connaissais pas du tout qui c'était cette personne, et je voyais qu'il jouait à un jeu, je voulais jouer avec eux, je savais même pas ce que c'était la console Nintendo 64, je connaissais rien du tout, et j'ai vu juste Link et Pikachu, c'est les deux seuls que je connaissais qui étaient en train de se battre, je me suis dit mais c'est trop bien, je me souviens en plus le terrain. Mais rien que la phrase en fait elle est déjà délirante, ouais. En fait Link et Pikachu qui sont en train de se taper dessus, c'est ça. Ouais c'était sur le terrain de Zelda, je m'en souviens très bien avec les petites tornes là qui nous mettaient en l'air. Et c'était incroyable la sensation rien que de pouvoir jouer, les bruitages, les Pokéballs quand on les lançait, c'était vraiment incroyable. C'était un jeu tellement fun. Et au final, quand on est rentré à la maison, on a harcelé nos parents pour qu'ils nous l'achètent. On l'a pas eu, mais on l'a eu. On a pu jouer à Smash qu'à partir de la GameCube sur Melee du coup. Et c'est là-dessus que j'ai pu commencer à doser ce jeu et j'ai toujours pas arrêté en fait. Ryan, encore l'ami, hein. Encore l'ami, mais c'est le même. Si je voudrais savoir, c'est le même. C'est pas vraiment le même. En fait, la toute première fois que j'ai vu Smash Bros, c'était pas 64, c'était Melee. Et en fait, c'était sur GameCube. Et en gros, c'était le fils d'un ami de ma mère qui avait la console et qui jouait et qui était assez fort au jeu. Et moi, par pur ego, quand il me disait que c'était impossible pour lui de perdre contre moi, et il m'a présenté ce jeu en mode ça c'est un jeu vraiment très dur donc tu pourras pas réussir. Et j'ai commencé à jouer un peu avec lui et je m'amusais bien. J'ai arrêté sur Melee, et après j'ai repris sur Brawl lorsque j'ai eu la console, parce que j'ai eu la Wii. Et on s'est jamais arrêté, quoi, depuis maintenant la version Switch. Et justement, c'est assez intéressant dans ce rapport à l'autre autour de Super Smash Bros. C'est ce copain aussi qui te fait découvrir un jeu, mais qui justement va bien se garder de t'expliquer précisément toutes les arcanes, juste parce que il va pouvoir vivre un moment de plaisir inassouvi où il va te taper. Et toi, tu pourras rien faire parce que tu sais pas encore. Tu connais pas les mécaniques du jeu. Est-ce que vous aussi, vous aviez ce même copain? Ça dépend des caractères des gens. Moi, je l'ai pas vraiment eu, parce qu'en fait, je me suis vraiment... Quand j'ai commencé à vouloir progresser sur le jeu et à jouer sur le jeu, je suis arrivé dans une sphère compétitive, et la sphère compétitive est quand même très pédagogique. On a la chance d'avoir, et on en parlera plus tard, mais la communauté des jeux de combat, et même la communauté de Smash Bros. En général, c'est une communauté qui partage. Et c'est même pas cliché de dire ça, parce qu'on peut penser qu'on dit ça parce que tout le monde est gentil et tout le monde est mignon, mais en fait, non, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que même quand on voit des joueurs de classe mondiale, par exemple, comme Gluttony, c'est quand même quelqu'un qui est capable de donner des conseils et qui est capable de dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, même à des gens qu'il a jamais vu de sa vie dans un tournoi. Et c'est pour ça que ce caractère de... En fait, cet ami qui nous aide pas, paradoxalement, c'est quand on est vraiment ami avec lui, parce que la personne que tu ne connais pas en tournoi, c'est quelqu'un qui va t'aider, quoi. Donc c'est quand même marrant de se dire que les personnes qui vont le plus t'aider dans ce genre de jeu sont tes futurs adversaires de tournoi et pas tes amis qui peuvent manger avec toi le midi au restaurant, quoi. Et justement, Gluttony, comment on explique cet esprit de partage et qui en fait marche main dans la main avec aussi cette idée de compétition, mais de manière vertueuse? Là, pour le coup, on est vraiment dans l'esprit de Coubertin. L'important, c'est de participer. Enfin, comment vous expliquez ça? Alors, en vrai, je pense que c'est surtout dû au fait qu'on a tous tellement envie de s'améliorer qu'on n'a pas envie juste de garder nos arcanes secrètes pour nous, et on veut que les gens les connaissent aussi pour qu'on puisse savoir jouer contre les gens qui le connaissent, en fait. C'est le syndrome de Goku. C'est tout complet, ouais, c'est vrai. C'est la volonté de gagner. C'est ça, on veut toujours gagner, on veut pas gagner juste une fois. On se dit, ouais, j'ai gagné une fois parce que mon adversaire il connaissait pas. Non, on veut pas ça. On dit, vas-y, apprends à connaître toutes mes arcanes. Comme ça, même si, contre des gens qui les connaissent, je saurais jouer contre ça. Et vraiment, on a envie d'être le plus constant possible et de ne pas garder ça pour nous. En plus, le fait que tout le monde s'améliore, si la personne en face s'améliore grâce à mes conseils et qu'il atteint mon niveau, forcément, moi, je vais devoir m'améliorer aussi pour pouvoir le dépasser. Et en fait, ça se fait une espèce de cercle vertueux qui nous permet tous de s'entraider, de tous s'améliorer. Et en fait, c'est dans l'intérêt de personne de cacher ces choses-là. Surtout peut-être parce qu'on est aussi une petite scène, on va dire. Imaginons, on était une beaucoup plus grosse scène. On va pas aller forcément donner des conseils à quelqu'un qui est au Japon ou quelqu'un qui est aux États-Unis. Mais vu qu'on est en France, on joue entre nous, là, on a tout intérêt à se les donner, ces conseils-là, pour qu'on puisse tous s'entraîner ensemble, en fait. Il faut bien comprendre quelque chose, par contre. C'est un jeu où, pour s'améliorer, dans 99% des cas, il faut jouer contre quelqu'un d'autre. Parce que vous pouvez aussi vous poser la question et vous dire pourquoi il ne joue pas juste contre des ordinateurs. En fait, c'est un jeu où la progression se fait contre quelqu'un d'autre, et en plus, souvent, elle se fait en physique, puisque le mode en ligne du jeu est catastrophique et quand même est très très dur pour la progression. Donc ça... En fait, ça renforce les liens, le fait d'avoir pour les auditeurs qui seraient pas versés là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être tous les deux face à la console et pas chacun chez soi avec une connexion internet, parce qu'effectivement, la manière dont la console retranscrit les commandes est un petit peu à désirer. C'est catastrophique. Et du coup, on a beaucoup plus de mal à jouer en ligne que côte à côte, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir un copain. C'est ça. C'est compliqué pour certains. Moi, j'ai eu du mal, c'est quand même aussi c'est sympa, parce que ça ramène ces soirées amicales autour d'une pizza et une heure qui se transforme en 15 heures et un peu d'amitié et de plaisir, quoi. Oui, je vois mon fils qui a 12 ans, Super Smash, c'est le rendez-vous à chaque anniversaire et tout ça, de tous, hein, garçons comme filles, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent sur Smash en fin de journée pour savoir qui est le meilleur, et ça dure. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la convivialité. On parle de compétition, mais Super Smash, comme l'a dit Corentin, il y a vraiment aussi cette idée de faire un jeu fun, parce que Super Smash, c'est fun avant toute chose. C'est la force de Smash Bros, c'est qu'il est à la fois capable, en tout cas aujourd'hui dans son itération la plus récente, c'est un jeu qui permet à la fois aux néophytes de juste passer un bon moment le temps d'une soirée, de jouer à 4, à 8 même si on veut, dans des très grands terrains où c'est un chaos sans nom, mais aussi voilà pour les gens qui jouent de manière plus sérieuse, plus compétitive, d'aller sur un terrain plus petit, sans objet, avec deux personnages qui se regardent dans le blanc des yeux, sans événements et qui viennent bouleverser le cours des choses. C'est vrai qu'il y a cette philosophie Mario Party ou Mario Kart qui était en fait dans l'ADN de cette licence à la base, ou qui a voulu être insufflé, mais c'est vrai que les joueurs en ont fait quelque chose de très compétitif, et c'est pour ça que les équipes de développement du jeu, et Masahiro Sakurai en premier lieu, après avoir changé d'avis plusieurs fois, a fini par faire un jeu qui était tout à fait compatible avec une compétition très très très intense, un peu en fait mêlée, un peu le jeu qui a vraiment fait prendre conscience à tout le monde que oh mon dieu, on a vraiment un jeu qui est extrêmement rapide, technique, très intéressant à regarder comme aucun autre. Et aujourd'hui, en fait, on a les fruits de cet héritage de Melee dans la version Switch, qui est celle qui est jouée aujourd'hui. Et Masahiro Sakurai, on le voit dans les présentations de personnages, notamment sur le dernier opus sur Nintendo Switch. Et on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de créateur iconoclaste qui est toujours à la limite de l'homme enfant, c'est-à-dire qu'il a toujours l'œil qui frise. Et il y a une sorte de drôle de contraste avec les créateurs seniors qu'on peut voir chez Nintendo, qui sont beaucoup plus austères. Lui, il a un côté un peu décalé. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet homme et du rapport qu'il a à la communauté Super Smash Bros? Il a un rapport qui est un peu compliqué, Sakurai, en vérité. Il crée 64, du coup, dans son rêve, justement, où, ok, on va faire un jeu de combat un peu plus simplifié, comme on a parlé un peu plus tôt. Il fait Melee et il sort ce jeu dans le sang et les larmes, hein. Ça a été un an et demi sur un rush absolument monstrueux. Ça a été vraiment un crunch de folie, quoi, pour arriver à réaliser ce jeu. Un surmenage, hein, dans le... Oui. Surmenage. Parce que, un phénomène malheureusement très très récurrent dans l'industrie du jeu vidéo. Absolument, qui est sûrement arrivé encore dans un jeu Pokémon qui est sorti il y a pas longtemps. Arceus? Oui. Le problème de l'industrie japonaise, c'est qu'ils sont très très opaques là-dessus. Et on a des scandales qui sortent dans les studios occidentaux, mais c'est vrai qu'au Japon, tout va bien. Oui, bah oui. Voilà. Oui. En tous les cas, du coup, il sort ce jeu donc dans la douleur. L'objectif principal de Smash Bros, c'est un jeu du coup qui a pour but donc d'être party game, tout le monde s'amuse. On en a parlé, mais Melee en fait devient un jeu excessivement compétitif, en effet très technique, etc. Il s'en dépossédé de son bébé, qui est, mais en fait, je n'ai pas fait ce jeu. Pour que le meilleur gagne, j'ai fait ce jeu pour que tout le monde ait une chance de gagner. C'est pas normal ce que vous faites. Donc des années après, il va sortir sur Wii Brawl, où là, qui est beaucoup plus en accord avec ce qu'il voulait réaliser, un jeu beaucoup plus lent, beaucoup plus avec même certaines parts d'aléatoire, pour vraiment genre casser vraiment les du tout au tout, prendre l'extrême opposé. Chaque Smash est une scène compétitive quoi qu'il arrive, hein, bien évidemment. Mais c'est la logique aussi de Mario Kart d'ailleurs qui fait que même si on est dernier, on peut avoir une chance de rattraper le premier très rapidement. On aide un peu celui qui galère, en fait. C'est ça. Mais qui est compétitif aussi, Mario Kart. Oui, mais qui l'est devenu. En fait, ce qu'on sent, c'est que quel que soit le jeu, ça, au bout d'un moment, on dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien quand même montrer sont... que... » Ils sont rattrapés par le fait que, en fait, le jeu est... Les jeux, généralement, Mario Kart, Smash, etc., sont tellement profonds qu'au bout d'un moment, le fait qu'il y ait autant de gens qui travaillent sur le jeu, ils vont découvrir la mine d'or et découvrir le moyen de l'optimiser. Et... Oui, mais d'ailleurs, on le voit même avec Zelda Breath of the Wild, était pourtant une sorte de jeu en monde ouvert où le personnage pouvait évoluer, se promener. Et maintenant, on voit des vidéos de personnes qui ont optimisé le moteur de jeu au point de faire des trucs de folie avec des armes, des changements, et qui ont transformé Link en version moderne de Dante dans Devil May Cry. Quoi. C'est 24 minutes pour terminer le jeu pour les gens qui sont le plus rapides, alors que c'était un jeu qui, de base, a une durée de vie qui peut être 100 heures, 200 heures, 300 heures, quoi. Donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est la capacité, enfin, c'est la recherche des gens et qui se traduit juste par leur passion. En fait, c'est juste la passion des gens qui aiment le jeu, qui, du coup, le poussent à son maximum. Et il y a plusieurs équipes, quoi. Il y a les équipes qui disent que ça dénature et les équipes qui disent que c'est beau. Et Sakurai était de l'équipe des gens qui disaient que ça dénaturait. Et c'est pour ça qu'il y a eu une énorme rupture entre lui et la scène compétitive, surtout à Brawl, quoi. Mmh. Quand il y a eu Super Smash Bros Brawl, qui du coup est l'épisode sur Wii. Ça a été un raz-de-marée. Ce qui était intéressant, c'est du coup derrière, il sort Super Smash Bros sur Wii U, et là pour le coup, il a toujours été distant en fait avec le reste de la scène Smash Bros jusqu'à partir de ce moment. On arrive dans Ultimate et je pense que Smash Bros, donc le quatrième qui a été à la fois décliné sur 3DS, à la fois décliné sur Wii U, a commencé à lui faire réaliser qu'en fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Smash Bros, les joueurs se l'approprient et ils jouent de la manière dont ils veulent. On va n'importe où dans n'importe quelle maison, chacun va avoir ses propres règles. Ça va être on joue n'importe comment ou sur le stade Pokémon uniquement avec des Pokéballs ou très compétitif. Et en fait, on a cette impression que dans Ultimate, Sakurai est enfin en paix avec cette idée. Il est en paix avec le fait que bah, j'ai fait du contenu pour les personnes qui veulent juste s'amuser entre elles, mais au final j'ai créé des personnages, j'ai créé des interactions, il y a une réflexion quand même d'équilibrage derrière et je vais partager ça pour ceux qui veulent se donner, ceux qui eux ont un intérêt compétitif. Et en fait c'est ce qu'on sent dans Ultimate, c'est que il a fait le tour de cette boucle, il a fait peut-être un peu son deuil, ou plutôt il a accepté le fait que la scène compétitive existe et qu'on puisse et qu'on veuille jouer à son jeu vidéo de cette manière. On va continuer de parler de Super Smash Bros, mais pour le moment, on va faire une courte pause musicale avec You, tirée de la formidable bande-son de Belle de Mamoru Hosoda. Buster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Mario! Let's go! Ha! Oh yeah! Donkey Kong! Link! Ha! Yeah! Yeah! Ha! Yoshi! This is Fox, returning to base. Yeah! Fire! Ooh, Pikachu! Pikachu! Pika! Luigi! Let's go! Bang, bang! Ness! Okay! Kike Frost! Kike Fire! Kike Thunder! Captain Falcon! Falcon! Punch! show me a move. Jigglypuff. On vient d'entendre quelques-uns des superstars qui composent le casting de Super Smash Bros. Et c'est justement ce casting de stars Nintendo, mais qui plus tard a été rejoint et dans la version Ultimate par Sephiroth de Final Fantasy, par Bayonetta, Snake qui est là depuis très longtemps, Sonic également. C'est hallucinant de se dire qu'il existe un jeu vidéo qui réunit autant de personnages cultes de la mythologie du jeu vidéo. C'est il y a pas d'équivalent. Si on nous avait dit ça 10 ans plus tôt, que on aurait pu voir un Sephiroth contre une Bayonetta sur Final Destination, on n'aurait pas cru, en fait. On n'aurait juste pas cru. Et finalement, maintenant, on a Snake, Sonic, Bayonetta, Sephiroth, Min Min et j'en passe. Il y a vraiment tellement de personnages. Vraiment, on peut pas ne pas se plaire dans ce jeu vidéo, en fait. Il y a des gens qui n'ont jamais joué à Smash et qui ont acheté la Switch et le jeu juste parce qu'il y avait leur personnage favori dessus. Par exemple, bah, Steve, qui est de Minecraft. Il y en a, ils ont juste voulu essayer Steve et ils ont acheté le jeu juste pour mais ça. Alors que c'est celui qui m'a fait hésiter à le vendre, en fait. C'est peut-être le personnage le plus difficile à appréhender, je pense, qui a des mécaniques très complexes. C'est horrible. Ah, ben oui, mais même, puis même visuellement, hein, parce que c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un personnage de Minecraft. C'est beau, Minecraft, c'est beau. C'est oui, bah moi, ça m'a. Voilà, moi, j'étais plus sensible à Joker de Persona que voilà, à Steve. Mais bon, après voilà, je sais qu'il y a des c'est ça qui est formidable dans Super Smash Bros, c'est qu'il y a forcément un personnage qui est fait pour vous. Il y a forcément un personnage qu'on connaît. Je pense que c'est quelque chose qui va attirer plein de gens, juste parce qu'il y a, enfin, ne serait-ce que Pikachu. Je pense que les auditeurs, s'ils connaissent pas très bien la licence, ils auront au moins reconnu Pikachu dans la liste des voix là qu'on vient d'entendre. Et ouais, qui a dit qu'Avengers était le plus grand crossover de l'histoire? Non, c'est Smash Bros. C'est Smash Bros. C'est de loin. Alors. On sait que c'est à partir de Super Smash Bros. En 2008 qu'apparaissent plusieurs changements. Il y a un mode aventure, il y a l'arrivée du Smash final. Il faut qu'on parle de cet élément dans les Super Smash Bros. Qui peut carrément renverser une dynamique de jeu, qui est cette petite boule, voilà, lumineuse, qui arrive à un moment donné dans le combat et qu'on peut attraper et qui permet de faire un super coup, qui est généralement l'occasion de faire une jolie animation. Comment vous avez vécu l'arrivée de ce changement dans cette dynamique de jeu? Moi, je me souviens la première fois que j'ai utilisé le Smash Final, c'était il y a longtemps, c'était avec des amis qui venaient, qui étaient assez jeunes, et j'ai directement eu le réflexe de me dire, oh, c'est pas normal ça. C'est-à-dire que j'étais petit, je crois que je devais avoir 10, 11 ans, quoi. Et le premier réflexe que je me suis dit, c'est non, on enlève ça. on enlève, c'est pas possible. Enfin, c'est surtout qu'en plus, à l'époque, je jouais Link Cartoon, donc Link enfant, le petit Link avec un bonnet. Et je me souviens, il le mettait dans son attaque finale, c'était de mettre l'adversaire dans la Triforce. Même moi, je me disais, non, mais c'est pas juste. venez, on joue de manière saine, quoi. J'étais déjà quelqu'un de pas fun à 11 ans, ce qui est quand même, assez triste. Non, mais en même temps, la thérapie avance parce que vous l'avez reconnu. Ça, c'est plutôt positif. Ça avance. Mais bon, voilà, quoi. Et du coup, je me suis déjà rendu compte à cet âge-là que j'étais ennuyeux. Mais c'est quand même ça a été quelque chose qui, même encore aujourd'hui, c'est un système qui est parfait pour le party game. C'est quelque chose qui est désactivé en compétitif. Donc en compétitif, vous n'aurez pas cet élément-là, puisqu'il est en fait trop fort et il déséquilibre les choses, vu qu'en plus, en fait, ça demanderait trop d'équilibrage, vu qu'il y a certaines attaques finales qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Mais pour un party game et pour s'amuser avec ses amis, il faut la mettre, quoi. C'est beaucoup plus marrant et ça permet de retourner les situations, quoi. Gluttony, ouais, le rapport au Smash Final? Je trouve que c'est quand même un bon ajout, en fait, parce que ça me faisait beaucoup penser aux autres jeux de combat où il y avait une barre à charger de coups spéciaux qui tuaient en un coup ou quelque chose comme ça. Et le rajouter ça dans Smash, pourquoi pas. Mais bien entendu, en mode fun. Parce que si on fait ça en compétitif, c'est un peu bizarre, on va tous essayer de la taper. C'est le premier qui a de la chance de l'avoir tapé, parce qu'en plus, oui, l'élément, c'est que c'est pas en tapant une seule fois qu'on va l'avoir. Oui. On peut taper une fois, deux fois, trois fois, on l'a pas. Et l'adversaire va taper une fois avec un tout petit coup, il va l'avoir. C'est un petit peu injuste, c'est assez rageant même quand on fait ça. Mais bon, pour le fun, bah c'est incroyable, les animations sont super stylées. Y a pas de souci à ce niveau-là. Et en plus, Nintendo, selon eux, visiblement, ça devrait être dans le compétitif, puisque on a fait un tournoi Nintendo dans lequel ils l'ont mis, cette barre Smash. C'était pas la balle Smash, il me semble que c'était la barre Smash, un petit peu comme dans les jeux de combat, plus on se tapait, plus on la tape, barre et plus la jauge se remplit, c'est ça. Et là, on pouvait l'utiliser. Et comme il l'a dit Ryan, il y a des Smash qui ne sont, enfin des balles Smash, des puissants Smash qui ne sont beaucoup plus forts que d'autres. Et on connaissait pas forcément leur utilisation et leurs compétences. Du coup, parfois on se faisait surprendre. Il y en a qui tuent pratiquement à zéro. Il y en a qui font pas grand chose. Il y en a qui sont très difficiles à placer. Il y en a qui sont très faciles à placer. Et on a subi un petit peu les aléas de ce. Et justement, pour les auditeurs un petit peu intéressés par cette idée de Smash fourbe, quels sont ceux qui surpassent les autres et qui font vraiment énormément de dégâts? Alors en fait il y en a, c'est même pas une question de dégâts, c'est une fois que tu es dedans tu es mort, c'est fini. Je pense notamment à celle de Zelda. Je crois que si tu dépasses un certain nombre de pourcentages, ça va même pas t'éjecter, tu vas juste disparaître en fait. Du coup celui-là il est très très fort. On peut avoir celui de Peach aussi qui est très fort. En fait il va endormir tous les adversaires sur la map. Et en plus il va y avoir des fleurs qui vont pop, qui vont permettre de soigner la Peach. Donc elle peut non seulement se soigner de même 100% pratiquement, et tuer ses adversaires, 1, 2 ou 3 même. Là, je sais qu'il y a des joueurs qui sont en train de prendre des notes en disant alors Peach, c'est incroyable. Et si vous, en fait si vous voulez un complètement nul, il y a celui de Pac-Man qui est tout à fait... Oh le menteur. Il est catastrophique, voilà. Mais... En tout cas, ouais, c'est vrai que Peach, Zelda et même celui de Joker est pas mal aussi. Et l'animation est incroyable. Oh, donc, oui, c'est vrai. Pendant que vous voyez l'animation, elle est vraiment magnifique. Joker, qui a été un des personnages de Persona, effectivement. Bah, d'ailleurs, c'est l'ulti qu'il utilise aussi dans le jeu. Voilà où il fait venir ses camarades. Je trouve personnellement que c'est l'ajout, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est arrivé après, donc ce qu'on appelle en DLC. Pour moi, c'est l'ajout le plus beau qu'a été fait dans Smash. En fait, je trouve que tout est incroyable dans le perso. Les animations ont été parfaites, la musique, parce qu'aussi il y a aussi une compilation de musique dans Smash. C'est hallucinant. C'est-à-dire que qui viennent des jeux originaux. Et il y a aussi énormément de remixes. Oui. Il y a énormément de remixes et qui sont très respectés. Je pense, mon remix préféré, c'est celui de Tekken, Karma de Tekken, qui est hyper bien remixé. Et c'est Kazuya. Ouais, celui de Kazuya, exactement. Et il y a énormément de choses autour, mais c'est vrai que Joker, ils ont fait un travail de fou autour. Mais en plus, là, ils étaient déjà bien aidés par le jeu de base et le personnage qui est, enfin, on en avait déjà fait des chroniques, mais Persona, je vous invite, si jamais vous l'avez jamais fait, à le faire en accompagnement de Super Smash Bros. C'est extrêmement bien. Et alors, il y a aussi cette idée de jeu de quête d'aventure, de jeu solo, parce qu'on depuis le début, on dit que Super Smash Bros. C'est un jeu multi, mais il y a quand même une partie solo pour les joueurs qui n'ont pas d'amis, pas de copains ou misanthrope. Et donc, que dire sur ces modes solo, NTK? Bah, le mode solo, en fait, il a évolué au fur et à mesure des opus. Et il y en a un, je pense, qui nous a tous marqués, on sera tous d'accord, c'est l'émissaire subspatial dans Brawl. C'était vraiment le mode aventure avec plein de niveaux de difficultés, plein de défis, des petites cinématiques. Même s'il n'y avait pas de voix ou quoi que ce soit, on avait des cinématiques qui parlaient juste avec les gestuels. On comprenait l'histoire sans forcément comprendre... sans avoir de paroles ou quoi que ce soit. Et ça nous manque en vrai de vrai, parce que ça a disparu sur Wii U et 3DS. Après ça c'est toujours pas revenu sur Ultimate. Sur Ultimate ils ont fait un petit semblant de mode aventure comment ça s'appelle déjà, World of Light, ouais c'est ça. Mais en vrai c'est avec la grosse main. Ouais. Mais ils ont un peu triché, parce qu'en fait c'était un dérivé d'un mode de mêlée, je crois. C'est pas un mode de Smash 4. C'est un mode de Smash 4, oui. C'était un dérivé de mode de Smash 4, mais ils ont supprimé des trophées pour les remplacer par des autres autocollants. Enfin, c'était confus un peu. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment le mode solo, Brawl, avec une histoire. On avait 15h, 20h de jeu dessus. On pouvait le faire à deux, en plus. Donc, on pouvait faire du mode cop. Donc, ça, c'était vraiment bien. Donc, mine de rien, même si c'est un jeu multi, même si c'est un party game ou quoi que ce soit, le petit côté solo il nous manque aussi quand même. Pilou, c'est pertinent, en plus c'est que là on axe surtout du coup sur les mécaniques de plateforme plus que de fighter, et on en parlait justement des difficultés parfois qu'un débutant peut avoir à devoir gérer et la baston et la plateforme. Là ça permettait justement du coup de se concentrer sur la plateforme. On est en coop, on tient la main de notre pote pour aller passer le niveau, et c'était vraiment un outil qui était assez remarquable comme première porte d'entrée dans la licence. Et comment on explique sa disparition ? Alors, c'est coûteux en ressources. Ça a été énormément coûteux. Donc du crunch, du surménage. Après, voir si jamais on veut Et un autre point qui a été, je crois, frustrant pour Sakurai, il semblerait, c'est que en fait, il a créé du coup ce mode d'aventure, je crois, avec toutes ces cinématiques, etc. Et en fait, le jeu venait à peine d'être sorti ou était pas encore sorti, que la classique, on avait déjà l'ISO sur Internet et toutes les vidéos des cinématiques qui étaient uploadées sur YouTube immédiatement. Et en fait, il a eu ce côté très... il a été directement blessé de ça, d'avoir eu en fait genre mais laisser les autres découvrir, genre qu'est-ce que vous faites, pourquoi genre on a passé tellement de temps pour ça et tout est déjà sur YouTube, qu'est-ce qui se passe. Et ça l'a, il semblerait du coup, parce que je suis pas non plus dans ces petits papiers, mais il semblerait du coup qu'il l'ait excessivement mal pris et qu'il ait rapidement du coup poussé de la main toute future réalisation de mode aventure à grosse échelle, on va dire, suite à ça. Non, puis il faut se rendre compte du casse-tête que c'est. Enfin, là, il y a 89 personnages, DLC compris, dans le dernier Smash. D'un point de vue purement accord avec les éditeurs, on peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel personnage dans un mode histoire. Il faut à chaque fois faire des allers-retours avec les ayants droit, les éditeurs. Mais c'est-à-dire que plus la licence devient importante, plus il y a Disney qui va dire attendez, Sora, il va pas faire ci, il va pas faire ça. D'ailleurs, je pense que Disney, je pense qu'ils ont vite été sortis de l'équation, parce qu'on a, à part le petit symbole de Mickey sur la Keyblade, il y a aucun signe de Disney. Il y a pas de trophée de Mickey ou ce genre de choses. Enfin, j'ai pas l'impression. Je crois qu'il y a que les personnages issus de l'univers de Nomura. Donc c'est un mais je pense vrai que ça je me suis même demandé si c'était pas plutôt un choix fait par Sakurai lui-même de dire non, parce que je pense que Disney, ils ont dit il y a pas de problème, vous pouvez utiliser Mickey, vous pouvez utiliser Donald, mais par contre pour chaque jeu vendu vous nous reversez ça. Et ils ont dit on va faire 100. Ouais, c'est une histoire de prix, ouais. Tout simplement. Non, je pense que c'est non, puis c'est une histoire de place pour les mentions légales à la fin des des trailers, parce qu'il y a plus la place en fait. On arrive à la fin des présentations de jeux, on voit tous les éditeurs, tous les machins, on se dit non, mais au bout d'un moment. Et puis en plus, faire dans un jeu qui est déjà un crossover ultime, intervenir un personnage qui joue lui-même dans un crossover. Exactement. Au bout d'un moment, ça fait une mise en abîme et avec un bac à sable, parce qu'il y a des gens qui vont dire pourquoi Buzz l'éclair, Après, il y a peut-être un truc qu'on a peut-être loupé. Ça, c'est une petite théorie personnelle. C'est que je me dis, Disney, de base, c'est pas du jeu vidéo. Et Smash Bros, c'est le festival du jeu vidéo. Donc le fait d'inclure peut-être Mickey ou les autres personnages de Kingdom qui sont pas d'origine du jeu vidéo aurait pu peut-être laisser penser à certains rêver de Goku dans Smash Bros. C'est peut-être ça aussi, oui. C'est une petite théorie. C'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'en fait on rentre dans un moment où à chaque fois que Smash Bros nous offre une porte d'entrée, il y a tout qui est ouvert. C'est-à-dire que de base, lorsqu'il y a Minecraft, Steve de Minecraft qui est arrivé, parce qu'il n'y a quasiment pas eu de jeux PC qui ont été donnés, c'était quasiment que des licences de consoles. Donc dès que Steve de Minecraft est arrivé, tout de suite Fortnite. Tout de suite les gens se sont dit, ça veut dire qu'il y a Fortnite. Si, comme a dit NTK, si on a un personnage comme Mickey, comme Pluto, etc., ok, Goku, ensuite on va aller sur Eren, ensuite on va aller sur tout ça, donc il fallait couper l'hémorragie, et surtout que Sakurai s'est fait harceler pour Sora. C'est-à-dire que Sora, ça a été une campagne, ils avaient fait un sondage il y a quelques années où ils avaient dit quel personnage vous voulez dans Smash Bros, et il y a eu Sora en premier et les gens ont inondé Sakurai de mentions. Donc Vous savez, il y a même des films aujourd'hui à Hollywood qui se font à peu près sur cette même campagne de harcèlement. Certains qui ressortent, d'autres qui cartonnent parce qu'ils réalisent le rêve de fans. Exactement ça. Donc oui, au bout d'un moment, faut savoir mettre un stop parce que ça peut durer longtemps cette histoire. Non, clairement. Bonjour, je suis Masahiro Sakurai de Sora Ltd et le directeur du jeu Super Smash Bros Ultimate. Enfin nous y sommes, la dernière annonce des combattants de Super Smash Bros Ultimate. Ceci dit, chacune des annonces était pour du contenu téléchargeable plutôt que le jeu complet. Nous n'avons donc pas un budget énorme. C'est pourquoi j'ai organisé ces présentations moi-même. Mais celle-ci est la dernière et je suis donc un peu triste. Quoi ? Moi aussi, j'ai été choqué. Sora de Kingdom Hearts rejoint la bataille. Il se trouve que son nom est le même que celui de ma société, mais c'est juste une coïncidence. D'ailleurs, Sora signifie ciel. Une petite explication pour ceux qui sont à l'étranger. Je vais vous introduire le jeu original. Qu'est-ce que Kingdom Hearts ? Kingdom Hearts a été lancé en 2002 et a été développé par Disney et Square Enix. Il s'agit d'une série de jeux d'action RPG dans lesquels vous pouvez voyager dans de nombreux mondes différents issus des franchises Disney et Pixar. Sora est le protagoniste du jeu. Le système de combat et les personnages jouables diffèrent parfois d'un jeu à l'autre, mais l'histoire tourne principalement autour de Sora. Et maintenant, avec le soutien de cette collaboration, Sora rejoignant la bataille est devenue une réalité. Voyons Sora dans ce jeu. Alors, on vient d'entendre le créateur, Mahiro Sakurai, présenter Sora, le dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate. Et Foster, on parlait de son rapport, justement, à la compétition. Or, dans ses présentations de personnages, on sent que, à la fois, l'accent est mis sur le côté fun du personnage, mais aussi sur ses mécaniques de jeu qui sont beaucoup plus subtiles qu'il n'y paraît. Et là, j'aimerais qu'on aborde un volet qu'on n'a pas encore abordé, c'est cette différence de perception entre le joueur occasionnel et le joueur confirmé dans les mécaniques de jeu autour des personnages de Super Smash Bros. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Qu'est-ce qui différencie un bon joueur d'un mauvais joueur? Oh, alors, lui et moi. Ryan et Gluttony. Non, en fait, le jeu a une profondeur qui est presque inexplicable tant qu'on n'y a pas vraiment joué en compétitif. C'est-à-dire que, en fait, il y a tellement de facteurs et tellement de paramètres dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui est en termes de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à connaître, puisqu'il y a à peu près 80 personnages, comme on a dit, et on est dans un jeu où quasiment tous les personnages sont jouables à niveau compétitif. C'est-à-dire que si vous, derrière votre radio, vous vous dites « Oui, mais moi, je joue tel personnage, est-ce que le personnage est bien ?» Il n'existe pas un seul personnage dans Smash Bros. Qui n'est pas jouable à niveau professionnel. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tous les personnages ont une chance, tous les personnages ont déjà eu une représentation dans un tournoi, tous les personnages ont déjà été joués et ont déjà été un peu poussés. Alors oui, il y a des personnages qui sont plus poussés que d'autres, mais en tout cas, tous les personnages ont été poussés. Et ce qui fait la différence entre un mauvais joueur et un bon joueur, c'est sa capacité d'adaptation, sa connaissance des combos, mais aussi son mental. C'est-à-dire que le mental est extrêmement important dans ce jeu-là, puisque il y a des joueurs qui sont très très forts en termes de technique, qui sont très très forts en termes de connaissances, mais dans un match de tournoi, ils se déconnectent dans leur tête, et 5 secondes suffisent pour se faire avoir, et c'est un jeu qui ne pardonne pas l'erreur, et qui ne pardonne pas l'erreur mentale, donc oui, il y a énormément de choses à savoir, et je pense que quelqu'un comme Gluttony pourra en parler par rapport à ça, quoi. Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre dans le jeu, surtout. C'est vraiment cette compréhension-là qui est très importante. Par exemple, quelqu'un qui va jouer à bas niveau, ça va pas du tout avoir les mêmes. La façon dont il va jouer va pas du tout avoir les mêmes impacts qu'à haut niveau. Par exemple, à bas niveau, la tier list même n'est pas la même. Je sais pas si les gens savent ce que c'est une tier list. C'est les personnages presque secondaires qui ne sont pas forcément ceux qui occupent le devant de la scène. Ouais, c'est juste un classement. La tier list, c'est juste le classement des personnages. Et il y a une certaine tier list pour la compétition, on va dire, pour le vrai jeu, entre guillemets. Et tu peux faire une tier list, en fait, pour les joueurs plus casus. Les joueurs qui n'ont pas l'habitude de faire les compétitions, tout simplement parce que, en fait, un personnage qui va être puissant, avec une bonne portée, rien que ça suffit pour être fort à bas niveau. Par exemple, Ganondorf, c'est très très fort à bas niveau, tout simplement parce que il a tout ça. Il est très puissant, il a une très bonne portée. Si t'appuies juste sur des boutons au hasard, on va dire, Ganondorf, Donkey Kong, c'est super Kirby aussi. Kirby, non, mais là c'est une petite blague privée parce que j'ai dit en off que j'avais beaucoup de mal avec Kirby et sa faculté assez agaçante à revenir sur le terrain en flottant, en gonflant ses joues. Voilà, parce que je joue avec mon fils qui aime bien revenir sur le terrain avec Kirby. C'est ça, donc ces personnages-là, ils vont être très forts, très faciles d'accès. Mais par exemple, un personnage comme Sheik, qui lui est vraiment très peu puissant, n'a pas beaucoup de portée, donc il faut être très précis avec. Comme elle. Comme Sheik. Elle, oui, c'est vrai. Elle. Super, le joueur pro. Quand j'étais petit, j'ai toujours cru que c'était. Non, mais oui. Du coup, parce ça va pas vrai, du coup être. Vrai, c'est Zelda. Hein? Oh, le spoiler. Oh, je m'en fiche. Il est usé, là. Ça divulgage sur le service public, insupportable. Voilà, donc ça va être beaucoup plus compliqué d'être précis avec elle et de faire des gros combos. Donc personne va à bas niveau, tout le monde va se dire, Sheik, elle est nulle, elle fait pas mal, elle a pas beaucoup de portée, c'est nul. Il y a des personnages aussi qui sont plus difficiles pour justement revenir sur le terrain. À très bas niveau, c'est normal que ce soit très compliqué de revenir sur le terrain. C'est vraiment la base. Au tout début, tu envoies quelqu'un dehors. il est mort en fait, il n'arrive pas à revenir, il ne sait pas comment sauter, il ne sait pas que le saut plus, le E plus B ça permet de revenir sur le terrain. Donc vraiment c'est très compliqué et ça ne va pas du tout être la même tier list pour le bas niveau et pour le haut niveau. Et même à haut niveau, quelqu'un qui va faire de la compétition, ben, il y en a qui vont être moins forts que d'autres forcément, et surtout c'est grâce à la compréhension de jeu. Par exemple, si on fait un certain coup, si on prend un certain coup, n'importe lequel, par exemple le upper de Ganondorf, je sais pas, il faut comprendre. C'est le coup vers le haut. Le coup vers le haut, c'est ça, normal, avec le bouton A de Ganondorf. Il faut comprendre quand est-ce qu'il faut l'utiliser, pourquoi il est efficace dans certaines situations et pas dans d'autres, et pourquoi il faudrait faire ce coup plutôt qu'un autre. Et en fait, on va dire le niveau 1, ça va être de comprendre juste quand ça marche et quand ça marche pas, de manière empirique, c'est-à-dire bah là je fais un upper, j'ai vu que ça marchait, je continue à le faire, ça marche très souvent dans cette situation, donc je le fais, point. Fin de la réflexion. En réalité, il faut beaucoup plus de réflexion de ça. Il faut se dire, ok, ça a marché, mais pourquoi ça a marché? Dans quelles conditions ça a marché? Est-ce que la prochaine fois que je le ferai, ça a marché? Est-ce que ça a marché parce que mon adversaire est mauvais ou parce que moi, je l'ai fait au bon moment? Il y a vraiment énormément de questions à se poser et beaucoup de compréhension dans toutes les situations. Et c'est ce qui va faire la différence entre un vraiment bon joueur qui a compris tout ce qu'il y a derrière, en fait, cette réussite et ce coup-là, en fait, tout simplement, et un mauvais joueur qui comprend juste ça marche pas, point. Et pour ça, est-ce que vous regardez de nouveau les matchs pour les analyser à froid ? Oui, exactement. Donc il y a un petit peu de tout. Il va y avoir. C'est très bien aussi de discuter juste avec le joueur à côté, lui dire ok, bah là, pourquoi t'as fait ce move-là ? Je comprends pas. Tu le fais souvent, ça marche pas, mais tu le fais quand même. Parfois, tu fais ce coup-là dans cette situation-là. J'arrive pas du tout à m'en sortir. Qu'est-ce que je devrais faire contre ça ? Qu'est-ce qui le rend si fort ? Quel est le counterplay ? Et pareil, on peut juste regarder ses propres matchs, se dire ah oui, j'avais pas remarqué ça en plein game. Je fais toujours cette option à ce moment-là. C'est pas forcément la meilleure option. Je devrais me forcer à en faire une différente. Et analyser ses games, c'est super important. Analyser des games de gens qui jouent son propre personnage à plus haut niveau également, c'est très important. Juste pour voir comment lui se débrouille avec ce personnage-là, comment lui il utilise certains coups, quel va être son plan de jeu. Donc ça c'est quelque chose qu'on appelle le game plan dans Smash. C'est-à-dire que avant même que la partie commence, il faut déjà savoir à peu près ce que toi tu vas chercher en tant que personnage de joueur de Wario par exemple. Tu vas dire ok, bah moi je suis Wario, je sais très bien quelles sont les forces de Wario, je vais essayer d'en abuser, je connais également ses faiblesses, je vais essayer de les éviter. Et il faut vraiment savoir de A à Z ce qui va se passer avant même que la game commence. Sinon, la réflexion va être trop lente. Si par exemple, en pleine partie, il y a des situations qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, comment tu veux réfléchir à cette situation et trouver une solution en pleine game alors que bah, chaque seconde, il y a une interaction différente, chaque seconde, il y a des coups différents qui viennent. Tu ne peux pas te permettre de réfléchir autant en pleine game. Il faut plutôt en fait sélectionner des réflexions qu'on a déjà eues au préalable pour dire « Ok, bah ça, j'y ai déjà réfléchi, je connais déjà la solution et je vais juste choisir cette solution-là. » Donc voilà, il y a vraiment. Donc en fait, le mode entraînement en solo, ça ne sert à rien parce que si on la sert quand même peu, on va dire pour les combos. Donc vraiment les combos de base, les BNB, les trucs qu'on va faire tout le temps, ça peut être quand même utile. Mais c'est pas ça qui va te rendre un bon joueur. C'est quand même indispensable pour avoir la base. Mais c'est plus la compréhension qui va faire que quelqu'un est vraiment bon que l'exécution, parce que l'exécution c'est pas du tout ce qui est dur dans Smash, c'est pas fait pour. Logiquement tout le monde va être à peu près au même niveau. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. J'avais un débat là-dessus avec un pote il y a pas longtemps où je lui disais que je trouvais que DBFZ c'était plus simple que Smash Bros. Parce qu'en fait Smash Bros. Oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait Smash Bros. Par rapport aux autres jeux de combat, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a l'adversaire, donc le joueur, comme dans tous les jeux, hein, on doit prendre en compte comment il joue le joueur. Alors quand on dit DBFZ, c'est Dragon Ball FighterZ. Pardon. C'est un jeu de combat en 2D fait par CyberConnect. On a donc du coup ça. On doit prendre en compte sur Smash Bros. Par rapport à DBZ la map, parce que dans Dragon Ball Z ou un versus fighting 2D classique. Peu importe la carte sur laquelle on est, c'est le même combo. Donc on va en training, on travaille notre combo, ça passera sur tous les terrains. Smash Bros, on va en training, on tape même notre petit input, ça va pas marcher sur tous les terrains, parce qu'il va y avoir des situations différentes. Troisième chose, c'est que dans un jeu de versus classique, quand on touche la personne, le combo il est ce qu'on appelle garanti. Donc on touche, on fait notre combo, il n'y a pas de combo breaker, à part exceptionnellement dans Killer Instinct ou dans Guilty Gear où vous avez des mécaniques spécifiques, mais c'est des mécaniques qui sont assez uniques. Oui. Dans Smash Bros, c'est un jeu de combat où peu importe la situation, on a une option défensive même quand on se fait taper. Donc c'est-à-dire qu'on peut influencer la direction d'éjection, la distance d'éjection, des choses comme ça, et tous ces paramètres-là vont varier en fonction du joueur. Donc du coup, ça veut dire qu'un combo qu'on va s'entraîner ou quoi que ce soit n'est pas si facile que ça, puisque dans une situation, il va être facile, mais dans l'autre situation, ça va être galère, parce qu'on... Il va partir, au lieu de partir à droite, il va partir à gauche, on va pas comprendre, on fait « Ah, ok, il faut que j'arrive à suivre ça ». Donc c'est un peu... Dire que c'est facile, pas tant que ça, je trouve. Non, puis il y a encore autre chose, ce que tu dis pas, c'est que quand tu fais un combo à 0%, c'est pas pareil quand tu fais un combo à 70%. Aussi, oui. Oui. C'est le vrai. Personnage, il est plus ou moins éjecté, et certains coups vont pas connecter, comme on dit, et du coup, ton combo, bah, il marche pas, tout simplement. Donc il faut garder en tête que, oula, le personnage, il est léger, il a beaucoup de pourcents, donc je vais peut-être plutôt pas faire un combo, genre pour monter les dégâts, mais plutôt chercher un finisher, quelque chose pour l'éjecter complètement du stage. Donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que, l'apprentissage par rapport à un Street Fighter 4 où j'ai beaucoup joué par exemple, c'est un peu plus du beurre, il faut le positionnement, c'est très très souple, mais ce qui rend le jeu passionnant aussi, hein. Mais c'est pas la même chose, alors que moi ma Sakura sur Street 4, bah, je connaissais mes combos, puis je répétais, je faisais simplement ce que j'avais appris en entraînement et ça fonctionnait si ça rentrait. Une fois que ça rentre, une fois on déroule. Mais c'est vrai que Smash Bros c'est compliqué. D'ailleurs, tu m'as fait penser à quelque chose, du coup je complète par rapport à ce que tu dis, mais il y a aussi le poids des personnages aussi, qu'il y a des personnages qui flottent. Il y a des personnages qui tombent rapidement, qui sont des briques. Donc vraiment, c'est un combo qu'on va travailler avec un personnage. Sur, par exemple, sur Rondoudou, ça va pas être la même chose que sur Bowser. Et ça va pas être la même chose que sur Falcon. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord sur le côté. C'est vrai qu'au début, en fait, ça doit être compliqué pour quelqu'un qui revient. C'est vrai que maintenant que vous le dites, même quand je donne des cours à des gens qui ont moins d'expérience, ils vont avoir du mal sur des trucs. Je me dis même pas que c'est possible d'avoir du mal, mais c'est juste parce que ça fait tellement longtemps que je joue au jeu. C'est vrai. Mais du coup, ce que je voulais préciser, c'est plutôt qu'on va dire qu'à un niveau, c'est très rarement l'exécution qui va faire la différence entre deux personnes. Par exemple, le meilleur joueur du monde, c'est MKLeo. Croyez-moi qu'il n'y a rien de ce qui fait qui est difficile à haut niveau. Je veux dire que genre la personne qui est 20e mondial ou 30e mondial, techniquement, elle n'est pas du tout en dessous de lui. Il fait vraiment les choses classiques pour de la compétition, on va dire. Mais c'est vraiment, il vraiment fait au bon moment. Il le fait au bon moment et il sait exactement pourquoi les faire. Donc c'est ça, c'est la prise de décision qui est vraiment importante. Et le mental aussi. Le mental aussi, pour être constant tout le temps, en fait. Parce que si tu n'as pas le mental, certes, tu sais faire les choses, tu sais réfléchir au bon moment. Mais si tu n'as pas le mental, tu arriveras même pas à réfléchir. Il y a plein de gens qui sont en train de se dire, alors écoute, mon fils ou ma fille, elle veut jouer à Super Smash Bros, elle est en train de développer son conditionnement mental. C'est incroyable de voir que, par exemple, on parle de MKLeo, qui est un Mexicain, qui est le meilleur joueur du monde actuellement. C'est un athlète. C'est quelqu'un qui est comparable, c'est vraiment comparable à des héros sportifs que vous voyez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a enchaîné des tournois à plus de 1000 joueurs où il gagne, où il était tout le temps au dos du mur. En fait, il y a une stat qui est incroyable concernant ce joueur-là. Un match de compétition se joue au meilleur des 5 parties. C'est-à-dire qu'il faut gagner 3 parties sur 5. Et si on gagne 3 parties sur 5, on gagne. Et en fait, MKLeo, il y a plus de chances de perdre contre MKLeo si vous menez 2 parties à 0 contre lui que si vous ne menez pas 2 parties à 0. C'est-à-dire qu'en fait, MKLeo est tellement habitué à se faire mener pour ensuite gagner qu'il y a plus de chances de perdre si on mène 2-0 que l'inverse. C'est-à-dire que le joueur est inébranlable en termes de mental et il va jamais se dire que c'est terminé, quoi. Donc... La flemme de jouer contre quelqu'un comme ça. C'est un expert de la remontada. Mais en plus, là, moi, comme je le connais pas, je sais pas à quoi il ressemble, là, j'ai imaginé, mais tu sais, un Mexicain mystérieux, qui a très peu de rapports sociaux, juste. Ah non, il est trop sympa. Non, mais je préfère l'imaginer avec un masque. Oui, il a un masque de ninja et MKLeo. Il est déjà arrivé en tournoi avec un masque parce qu'en fait, il jouait à l'époque Joker, donc de Persona. Et il est arrivé en intro d'un tournoi où en plus c'était sur un ring de catch le tournoi avec le masque de Persona 5. Comme un luchador. Exactement, comme un luchador. Et il est arrivé, et, il a fait une très belle entrée. Gluttony était à ce tournoi-là, il a fait une entrée exceptionnelle aussi. J'ai l'impression qu'il y a un vieux dossier là. Voilà. Moi j'ai oublié, je sais pas de quoi tu parles. Il est rentré sur un classique français de la musique quoi, mais voilà, non il y a eu des. Il est chez Sardou. Ah non, non. On parlera peut-être pas sur France Inter, mais voilà. Loin de là. Alors, Super Smash Bros, c'est un jeu de combat extrêmement populaire, mais il est des fois tellement rapide et surchargé à l'écran que ce jeu, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Alors, parlons ensemble du sujet qui fâche. En préparant cette émission, j'ai fait un sondage autour de moi, un sondage assez important, et je me suis rendu compte qu'il y avait une un petit pourcentage, pas majoritaire, mais quand même, de gens complètement réfractaires à Super Smash Bros. Parce qu'ils m'ont dit, il se passe trop de choses à l'écran, je ne sais pas ce que vous faites, je ne comprends pas quel est le but du jeu. Est-ce que pour vous, c'est des critiques recevables ? J'ai juste une question. Est-ce que c'était en cas de 1v1 sans objet, ou est-ce que c'était dans le cas de 1v1v1 à 4 sur le terrain avec des objets ? Ah, je pense que c'était en 4 joueurs et avec tout. Dans ce cas-là, même nous, on comprend pas ce qui se passe. D'accord, ok. Donc voilà, là c'est bien de le dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça peut être très très très chargé. C'est-à-dire oui, entre les fleurs, les gadgets qui tombent du ciel, la carte du fond qui se met à bouger, l'écran qui change. Ah oui, c'est impossible. C'est un bordel sans nom. Pour donner un ordre d'idée, je crois, on a à peu près 15 ans dans le jeu. À peu près tous, hein, au minimum, 10-15 ans minimum. Et même encore aujourd'hui, parfois, on joue à 4, on fait, je suis où en fait? Oui. Donc, vraiment, on est là, on se tape. Il y a eu un gros truc qui explose sur le terrain, et après, on fait, je suis où? Ah merde, je suis mort. Ah bon, je reviens. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Pour le 1v1, c'est un peu autre chose. En général, 1v1. Alors, j'ai fait l'expérience avec, je sais pas si vous connaissez Kayane. Oui, bien sûr. Kayane, qui est une grande figure du versus fighting, qui nous a rejoint un peu sur Smash. Et on va la retrouver bientôt pour un blockbuster sur Soul Calibur. D'accord, ah bah top. Et du coup, on a fait l'expérience avec elle où justement elle me disait je ne comprends rien à Smash Bros. On l'a fait jouer à Smash Bros. 2-3 fois. Et bah maintenant, quand elle regarde des tournois, elle comprend tout. Donc parfois, il faut juste que les gens ils essayent un peu le jeu. Il y a aussi ce petit truc-là. Donc 1 contre 1, c'est gérable, mais à 4 contre 4 joueurs qui s'opposent les uns contre les autres, avec toutes les options ouvertes, là, c'est le bordel pour tout le monde. Foster, on est d'accord ? Non, mais complètement d'accord. Hein. Après, en effet, on va rentrer dans du 1 contre 1, on va rentrer dans des micro-situations qui parfois sont pas claires, quand les deux joueurs vont se jeter dans le vide, par exemple, qui en avantage, qui en désavantage. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, et si on n'a pas forcément les connaissances nécessaires, ça peut être délicat d'arriver vraiment à cerner qui est à la meilleure position à cet instant T. Mais sinon, en effet, enfin, je rejoins tout le monde là-dessus. J'avais posé plus ou moins la même question que Gluto, de toute façon, initialement. C'est à 4 avec des items, c'est normal qu'on y comprenne rien. Bon, alors vous voyez, vous avez eu raison de formuler vos critiques. Elles sont audibles. Oui, à 4, on comprend rien. Alors, justement, en tant que avec l'arrivée de Super Smash Bros. Sur 3DS et Wii U, on a vu apparaître les fameux DLC, les contenus additionnels qui ont défrayé la chronique dans l'univers du jeu vidéo à l'époque. Et comment vous avez appréhendé ça parce qu'en compétition, du coup, il y a les joueurs qui ont accès aux contenus additionnels, et puis il y a ceux qui ne se sont jamais entraînés avec les nouveaux personnages aussi. Donc, comment ça se fait ? Est-ce que les personnages additionnels sont interdits de compétition ou Juste après leur sortie, oui. Donc, par exemple, s'il y a une mise à jour un jeudi et qu'il y a un tournoi juste le samedi d'après, donc 2 jours après, là, oui, on va pas autoriser à jouer le nouveau personnage qui vient de sortir. Mais une semaine après, voilà, c'est déjà autorisé et on va. C'est au rôle du compétiteur, en fait, de devoir s'entraîner. C'est pas le problème des organisateurs si y en a un qui a pas pu acheter le personnage ou qui n'a pas pu entraîner le match-up, c'est pas leur problème, puisqu'il y en a qui veulent jouer ce personnage-là et tu peux pas leur interdire de le jouer juste parce que les autres n'ont pas voulu s'entraîner contre lui. Donc forcément, la semaine d'après, ça va être autorisé et on va pouvoir jouer à n'importe quel personnage. Et y a pas mal de modifications qui ont été faites, pas mal de personnages qui ont été ajoutés. Donc forcément, vu qu'il y a 80 personnages dans le jeu, c'est très difficile de connaître tous les match-ups, mais justement, c'est une des grosses difficultés de ce jeu-là. Et il faut apprendre tout ça, et ça prend du temps, mais il le faut. Et là, parmi vous, première question, quel est votre personnage favori ou de prédilection ? Et aussi, parmi les personnages en contenu additionnel, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué ? Alors, on sait pour rien que Joker... C'est plus Steve, en vrai. Steve de Minecraft. Ouais, moi, c'est plus Steve. Du coup, moi, mon personnage, c'est Pac-Man. Pac-Man depuis Smash 4. En fait, pour l'anecdote un peu bizarre, en gros, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au jeu compétitivement sur Smash 4 et je cherchais un personnage. J'avais jamais eu de personnage principal avant. C'est-à-dire que je m'étais jamais penché sur un personnage. Et en fait, moi, ma mère, quand j'étais petit, jouait énormément à Pac-Man. elle était fan du jeu, en fait. Elle jouait tout le temps à Pac-Man, que ce soit sur l'ordi, etc. Et du coup, j'ai pris le perso pour tester. J'ai pris le personnage et je l'ai jamais lâché. Là, ça fait maintenant, ouais, 5-6 ans. J'ai jamais. C'est pas une histoire bizarre, Ryan. Non, mais c'est beau, c'est beau. C'est une belle histoire. C'est un peu beau, mais voilà, quoi. Ça reste une boule jaune. Mais du coup, depuis maintenant, ouais, depuis 5-6 ans, j'ai jamais changé de personnage principal. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé Pac-Man et c'est l'un des emblèmes de ma chaîne sur Twitch ou de plein de choses comme ça. C'est devenu mon totem. Pac-Man. Gluttony? Alors dans les personnages DLC, j'aime beaucoup Joker. Donc non seulement à cause de, il est stylé en fait. Juste sa façon de se déplacer, c'est vraiment stylé. Son Final Smash aussi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Sachant que en plus, si on tue l'adversaire sur sa dernière vie avec le Final Smash, on a une animation un peu différente de d'habitude. Et vraiment, je trouve cet ajout incroyable. Je joue également Pyramitra. Xenoblade, c'est ça. Donc ça, c'est le dernier DLC qui est sorti. Et bon, là, c'est plutôt juste pour la compétition, dans le sens où elles sont très très fortes. Et c'est la lame de Rex qui a deux personnalités. C'est ça. Donc on peut jouer Pyramitra. Une qui privilégie le vent et la rapidité, et l'autre le feu et la puissance. L'autre c'est la lumière. Donc c'est la lumière et le feu, c'est ça. Donc la rapidité et la puissance, un personnage qui est vraiment très complet, plutôt facile à prendre en main et vraiment très fort. Donc au niveau de la compétition, forcément, ça donne envie. Donc je la joue surtout pour ça. Et bah voilà, c'est les deux seuls DLC que je joue. Je vous avoue que Steve, pourquoi j'aurais envie de jouer ça en fait? Je joue à Smash Bros, je veux pas construire des maisons. Pareil pour Min Min, elle balance un bras, elle balance un autre. J'ai pas envie. En fait. Je veux pas ça. C'est un personnage issu de la licence Arms. Min Min. C'est ça, un personnage Arms. D'ailleurs, j'étais très hypé par le fait qu'il y ait un personnage de Arms, mais je me doutais pas que ça allait être de ce gameplay là. Vraiment, il y a d'autres DLC qui sont sympas. Et en personnage de base, enfin canonique, qui vous suit depuis des années. Alors sinon, je joue Wario. Wario depuis Brawl, du coup, je l'ai toujours joué. C'est le personnage que je préfère, pas du tout au niveau de son lore, c'est-à-dire que je n'ai pratiquement jamais joué à aucun Wario Land ou quoi. Ça m'intéresse pas. C'est juste que j'aime beaucoup sa façon de jouer. En fait, il est très libre dans ses options. Il est jamais bloqué dans une situation. Tu peux pas te dire ouais bah c'est Wario donc tu fais ça point. Non, là vraiment tout le temps il y a des solutions. Il faut toujours réfléchir à comment jouer la situation, l'interaction. Il a énormément de mobilité. C'est pratiquement le personnage qui a la meilleure mobilité et il peut aller n'importe où sur le terrain. Donc par exemple tout à l'heure tu disais que quand on est off stage, quand on est hors du terrain, c'est la mort. Bah lui il peut littéralement aller où il veut. Oui, parce qu'il cherche très loin. Il faut préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, mais il y a des plateforme qui ne couvre pas tout l'écran. Il y a donc d'énormes zones de vide dans à l'écran et ce qui distingue souvent les bons joueurs des mauvais, c'est que les bons joueurs peuvent tranquillement aller se battre au-dessus du vide, mais ils utilisent le double saut ou triple saut plus un coup vers le haut pour revenir sur le terrain à la dernière minute, ce qui pour un joueur néophyte ou pas bon comme moi est souvent synonyme de mort atroce. C'est ça. Et au final, bah, c'est ma zone de prédilection. J'adore aller dans ces zones. Oui, bah, ça va. Wario, ouais. Je pourrais t'apprendre. Gluttony? NTK? Alors, moi, c'est un peu particulier dans le sens où mon personnage totem, c'est Megaman parce que bah, j'adore Megaman X de Super NES. Donc, vraiment, c'était jeu du cœur. Donc, j'ai pris ce personnage-là depuis Smash 4. J'ai l'impression d'avoir demandé une situation familiale, célibataire, en couple. Ah, c'est compliqué. Il y a un truc avec mes gamins, ça restera toujours l'amour de ma vie, mais en même temps. Non, mais je l'ai pris pour ça. Je lui ai dit qu'à un moment donné, il fallait qu'on voit peut-être d'autres personnes. J'ai failli rompre avec lui, là, récemment, parce qu'il y a eu Pyramitra qui est sorti, parce que j'aime énormément Xenoblade 2 sur Nintendo Switch, qui est mon jeu favori d'ailleurs. Oui, formidable. Ouais, beaucoup mieux que Pokémon Arceus, voilà. Désolé, je vais me faire taper, ça y est. Non, c'est pas vrai. Alors, du coup, j'aime beaucoup Pyramitra dans les derniers DLC. Par contre, j'ai deux DLC qui m'ont fait crier vraiment de fou. Trois, on va dire. Alors, il y en a un, c'était sur Smash 4. C'était Bayonetta. Bayonetta, j'ai cassé le canapé, il y a encore le trou dans le canapé. Vraiment, ça, vraiment là, c'était... Bon, je m'en souviens, il y avait ma conjointe qui m'a entendu de l'autre bout de l'appartement. Elle a fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais. J'ai dit, voilà. C'est vraiment le moment qui précède ces questions philosophiques qu'elles vont se poser ensuite sur nous. Mmh. En disant, qu'est-ce que je fais avec lui? Non, mais c'est ça, ouais. Il a cassé un canapé parce que. Non, mais... ouais, bah, il a cassé le canapé, mais elle a cassé le jeu, donc ça va, il y a un partout. Oui, voilà, dans le centre. Voilà, et après, alors, il y a eu Sephiroth. Sephiroth, parce que je trouvais ça super impressionnant que, bah. Le plus grand méchant de l'histoire du jeu vidéo qui est dans Smash Bros. Le trailer de Sephiroth, c'est le meilleur trailer d'année. Oui, c'est ça. Le pauvre Mario. Le pauvre t-shirt d'Orios aussi, un dédicace à lui. Parce que j'ai un ami qui était à la maison et. Il a ouvert son t-shirt, ça a tourné partout. Enfin, franchement, c'était hyper drôle. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi ce trailer. Mais c'était vraiment. En plus, j'ai bien aimé pour Sephiroth. Ils avaient fait quelque chose de particulier, c'est qu'ils avaient permis aux joueurs de débloquer le personnage en avant-première si on arrivait à battre le boss, un mode boss. Donc c'était très intéressant la manière dont ils ont amené la chose et j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure sortie de DLC, je pense. Et après, bon bah comme tous les Weeb, hein, Sora, forcément, voilà, on est dedans et on était heureux. Même si j'aime pas le perso à jouer, je suis très content qu'il soit dans le cast. Oh, les musiques de Kingdom Hearts. Oui. Ouais, juste pour ça. Hein. C'est incroyable, les musiques. Moi, je connaissais pas du tout la série. C'est vrai? Ouais, je connaissais pas du tout Kingdom Hearts. Franchement, si vous voulez vous intéresser à la mythologie du jeu, si vous avez 15, 20 ans, et des cours de philosophie de ça pour bien, mais ça vaut le coup. Qu'il faut 15, 20 ans pour faire tous les jeux? Ah, mais vraiment? Non. Il faut pas 15, 20 ans pour les faire, il faut 15, 20 ans pour comprendre l'histoire. En coulisses, j'ai jamais vu un truc aussi tarabiscoté. J'utilise ce terme à dessein, je sais qu'il est désuet, mais franchement, pour Kingdom Hearts, ça le vaut, c'est tarabiscoté. Mm-hmm. Avec Xehanort, les Sanctuaires, enfin bref, c'est très, très, très, très dense. Corentin. Moi, alors, quand j'ai commencé à jouer à Melee, j'ai joué Link au début et je suis resté dessus, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je joue encore Link enfant. Je suis ce genre d'homme. Malheureusement, je suis désolé pour tout le monde. Je ne joue pas au jeu, j'attaque à distance, je prends pas de risque. Mais voilà, mais sinon, moi, j'apprécie énormément quand ils ont ajouté Game & Watch dans Melee. Je trouve ce personnage hilarant, enfin, de base. Ouais. C'est quand même, il est incroyable, ce personnage. Je veux dire, c'est le concept même d'avoir décidé de mettre ce personnage me rend dingue à chaque fois que je le vois bouger. Je le vois faire ses attaques, c'est toujours très amusant. En plus, il a une attaque, son spécial côté, où il sort un panneau, et puis un chiffre. Et puis si ce chiffre c'est 9, tu es mort. Si ce chiffre c'est 1, c'est peut-être toi qui es mort, du coup. je plaisante, mais il y a un côté un peu, comment dire, troll. C'est-à-dire, on le sort quand on a envie d'énerver, clairement, son adversaire. Sinon, dans les DLC, c'est vrai que moi, je trouvais ça super chouette dans les DLC que ça soit qu'on donne un petit peu la place à des personnages d'éditeurs tiers qui ne soient pas des personnages Nintendo. Donc évidemment Steve m'a rendu dingue parce que je me dis, ah oui, ça y est, en fait, non seulement on a un personnage issu d'un éditeur tiers, mais en plus c'est peut-être le plus occidental des personnages qu'on aura jamais, quoi. Oui. C'est même un personnage européen techniquement, puisque Mojang c'est suédois, donc voilà. Karul a été créé par des Anglais, mais enfin d'habitude c'est quand même surtout des personnages japonais qu'il y a dans Smash. C'est une fête du jeu vidéo certes, mais c'est surtout une fête du jeu vidéo japonais. Et c'est vrai que bon, en voyant Steve, j'étais super content de voir que enfin un personnage vraiment sans ambiguïté occidentale était représenté. Ça faisait plaisir, ça donnait encore plus son aspect universaliste au jeu, et ça c'était vraiment vraiment chouette. Après bon, il n'a pas eu beaucoup d'autres. Bon, je suis pas de ceux qui sont très fans de Kingdom Hearts, du coup voir Sora, je trouve, bon, un peu attendu, un peu pas trop de surprise, et j'aurais aimé voir peut-être, je sais pas, un Crash, une Lara Croft rejoindre le cast, ou le personnage de Doom qui ont aussi marqué le jeu vidéo. Mais après bon, on peut pas tout avoir, et bon, 80 plus perso, ça va. Oui, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà très bien. Moi, en fait, comme NTK, je suis un gros fan de Megaman X, gros fan, et du coup, moi, je joue pas Megaman, mais Samus, parce que moi, j'ai fait de la compète, du coup, sur Melee, qui est encore un jeu très très compétitif. Avec armure ou sans armure? Avec armure. Oui. En tout cas, je suis un gros fan du coup de tout ce qui est bras canon, et elle a son bras canon, et je fais, bah, c'est trop bien, en fait, c'est génialissime. Et j'ai pas beaucoup joué à Smash 4, en fait, très peu Ultimate, et je supporte pas Megaman dans les mains, c'est dommage, que j'aimerais beaucoup le jouer, mais je le trouve pas appréciable à jouer. Donc, principalement Samus, et puis de fait, elle a trop la classe, de toute façon, son armure, elle est trop bien, ah oui. Hein, donc fantastique. Et au niveau des DLC, du coup, moi, qui m'ont fait vibrer, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a Cloud de FF7 parce que je trouvais ça assez important dans son impact. Steve, que j'ai trouvé juste absolument énormissime le fait qu'il sorte. Je détesterais jouer contre ce perso et je déteste ses mécaniques, mais c'est fantastique qu'il soit dans le jeu. C'est le fou. Et par contre, c'est plus un type de personnage, moi, qui m'a fait vraiment rêver dans les DLC, c'est l'ajout de tout ce qui est les Ryu, les Terry, les Kazuya. Faut savoir que pendant très longtemps, Smash Bros. N'a pas du tout été considéré comme un jeu de baston, genre vraiment pas, et ça a été assez difficile de mettre en place justement un système compétitif aux côtés des joueurs de jeux de combat. Donc avoir eu Ryu dans ce jeu, c'était un peu un espèce de pied de nez justement à cette vieille bataille et à cette vieille guéguerre qu'on a eue, qui du coup nous permettait de faire table rase et de repartir sur de bonnes bases entre guillemets quoi. Maintenant nous aussi on a Ryu. Oui. Ouais. Et bah quant à moi, mon personnage fétiche dans Super Smash Bros. Alors outre Bayonetta qui est arrivée et qui est ma reine. Jusqu'à la fin des temps, hein, je suis voué au culte des sorcières d'Ombra, mais on va l'entendre tout de suite. Oh, how cute! What? The yellow thing? That's Pikachu. It's a Pokémon. They're popular all over the world, you know? It may look cute, but be careful. It can store up large amounts of electricity in those adorable little cheeks. It'll try to pepper you with electric shocks. Couldn't be much worse than Ocelot's old torture device. Oh, and Snake? What? I was wondering, could you maybe try and catch Pikachu for me? Please? Give me a break. What do I look like, a Pokemon trainer? Fine. Sorry I asked. C'est évidemment Snake de Metal Gear Solid avec la voix rauque de David Hayter. Voilà. Et moi j'adore Snake parce qu'en fait il a aussi ce coup de lance-missile qui me permet vraiment mais de jouer le pourri, de vraiment faire tout ce qu'on déteste dans le jeu, c'est-à-dire voilà, je me mets loin et j'envoie le missile qui poursuit les gens, surtout quand ils sont hors du ring, pour pouvoir les éjecter. C'est vraiment une technique de lâche, mais je l'assume totalement. Et c'est Snake avec son ballon qui me permet de remonter. Vraiment, il a tout. Il a vraiment. Vous voulez être un fourbe, jouez Snake. Voilà. Alors, on n'a pas encore parlé de cette scène e-sport qui s'est développée en France et auquel notamment vous avez participé parce que Gloutonnier, vous êtes là depuis le début. Alors pas le début. Donc j'étais pas le premier. Disons que moi j'ai commencé sur la scène de Brawl, alors qu'il y avait déjà une scène avant sur Melee, peut-être même sur 64, ça je sais pas. Mais je sais qu'il y avait déjà des tournois. Ça réunissait quand même très peu de monde à ce moment-là. Ah, beaucoup moins, c'est sûr, beaucoup moins. Mais il y avait quand même pas mal de gens. J'étais pas du tout au courant de ces tournois-là parce qu'à l'époque c'était pas aussi simple d'accès que maintenant. Donc par exemple quand on tapait sur Google tournoi Smash Bros. On trouvait rien. YouTube, je sais pas si ça existait, mais dans tous les cas, il y avait pas encore beaucoup de vidéos. Pareil, si on tapait ça sur YouTube, il y avait pas beaucoup de VOD et c'était très compliqué de connaître les tournois. Du coup, moi, j'ai dû aller à une, je crois que c'était à la Paris Games Week ou à la Japan Expo, une des deux. Et il y avait un tournoi à Smash Bros. Et pour nous, c'était genre que dans ce genre d'événement-là qu'il pouvait y avoir des tournois. Donc, on est allé là-bas. Et au final, j'ai rencontré Léon, qui était l'un des pionniers aussi là-bas. Et il m'a dit, ah non, en fait, il y a des tournois réguliers, un par mois à peu près, si tu veux, tu peux rejoindre la scène. Et du coup, c'est là que j'ai pu rejoindre la scène de Smash. J'avais à peu près 13 ans. Et voilà, ça a été mes débuts, mais au final, j'étais pas vraiment en premier. C'était Léon qui, à cette époque-là, était le chef, on va dire, de Smash Brawl. C'était le meilleur, et du coup, j'ai pu jouer avec lui. Et donc, ça s'est développé, ça a pris de l'ampleur en France? Oui, quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus gros qu'avant. Donc, disons que, alors, un major, donc, c'est une grosse compétition, on va dire, les plus grosses compétitions qui rassemblent non seulement le plus de joueurs, donc, en termes de nombre, et en termes de niveau également. Donc, là, à l'époque, au niveau de Brawl, le major était, on était 150-200, on était vraiment pas beaucoup. Et maintenant, un tournoi à 150-200, en fait, ça se fait toutes les semaines quasiment. On peut vraiment remplir un tournoi à 150-200 personnes très facilement. Les majors, c'est plus du 1000-4000 joueurs quasiment, et c'est du sur place. Donc c'est pas un tournoi en ligne où il y a 4000 personnes qui se réunissent chacun chez elles. C'est vraiment 4000 personnes dans les mêmes salles, dans la même. Donc ça se passe dans des stades, dans des halls. Ça peut se passer dans plusieurs types de locaux. Donc ça s'est déjà arrivé qu'on fasse les tournois dans des stades. mais aussi dans juste des grands locaux, dans des hôtels aussi. Donc quand je vais dans les compétitions aux États-Unis, c'est très souvent dans des hôtels. C'est pas exactement comme ça en France, on n'arrive pas à faire ça dans des hôtels, mais là-bas c'est vraiment beaucoup ça. Vraiment ça s'est énormément développé, beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de gens qui regardent le jeu également. Donc à l'époque il n'y avait pas forcément de Twitch, on prenait les VOD, on les mettait sur YouTube. Maintenant ça regarde en direct. C'est vraiment plus le même monde et il y a bien sûr plus d'argent à gagner. Et alors justement les gains, parce que tout ça c'est un coût, se déplacer aux États-Unis, oui. Être hébergé dans le cadre d'un tournoi dans l'hôtel, etc. Est-ce qu'il y a des sponsors? Il n'y a pas de subvention pour des tournois de Super Smash Bros, enfin pas à ma connaissance. Alors en fait la subvention elle vient grâce à la participation des joueurs. Donc par exemple un tournoi, le joueur va miser 10€ on va dire. Et sur ces 10 euros là, le cash prize va être réparti dans le soit les 8 premiers, soit les 16 premiers. Donc disons que s'il y a 1000 joueurs qui donnent 10 euros, du coup ça fera 10 000 euros de cash prize, ce qui fait pas tant que ça pour 1000 joueurs en réalité, sachant que bon, il y a d'autres compétitions sur d'autres jeux qui vont gagner beaucoup beaucoup plus avec beaucoup moins de participants. Mais donc ça veut dire que le billet, tout ça, c'est à vos frais. Alors c'est à nos frais jusqu'à ce qu'on ait une équipe qui va nous sponsoriser, qui va nous aider, qui va nous soutenir. Au début bien sûr sur Brawl il n'y avait pas ça, en tout cas moi j'en avais pas. Sur Smash 4 ça a commencé à se développer petit à petit avec des petites équipes, des petites structures qui nous aidaient à nous déplacer. Mais vraiment c'était du... il nous aide à déplacer si on prend un Flixbus à 10 euros qui nous fait aller en Allemagne en 15 heures de transport. Vraiment, c'était vraiment ça, c'est pas du tout une blague. Oui. Donc par exemple, un vendredi soir, je terminais les cours, j'avais mon sac, je prenais le Flixbus à 20 heures à Bercy et le lendemain, j'arrivais au tournoi aux Pays-Bas à 5 heures du matin. Et voilà, c'était comme ça qu'on faisait parce que il n'y avait pas forcément de budget et on devait essayer d'utiliser les transports les moins chers possibles pour que notre équipe accepte de nous aider pour ça. Maintenant, forcément, ça a plus de visibilité. Donc, on a plus de sponsors, des plus gros sponsors, des plus grosses équipes qui vont pouvoir nous aider à prendre des avions, par exemple, pour aller aux États-Unis. Et forcément, ça aide beaucoup puisque si on devait payer ça de nous-mêmes, sachant que les gains ne sont pas énormes, ça serait compliqué. Ce serait vraiment très compliqué. Mais heureusement, maintenant, ils sont là. Donc, merci à Solary de nous soutenir et aux autres équipes aussi, comme BMS, de soutenir leurs joueurs qui permettent vraiment à tout le monde de se déplacer, de se montrer et de montrer à quel point Smash, c'est un grand jeu de compétition et à quel point on est sérieux dessus et vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Et donc, c'est retransmis principalement sur Twitch. Mais c'est pas encore capté par les médias généralistes. Pas tellement. Ça commence. Il y a eu un début sur Smash 4 à un moment avec comment ça s'appelle, c'était Smash World Tour je crois, où il y avait eu un début avec Gozulting qui avait commencé, je crois c'était Canal Plus ou TF1, c'était un des deux. J'allais dire France 3 mais du coup on n'est pas d'accord, c'est pas le même esprit. Il y avait une ouverture là-dessus. Après Smash 4 c'était encore un peu jeune parce qu'il y avait pas beaucoup de joueurs, c'était encore très niche et à partir d'Ultimate on a commencé à vraiment bosser dessus avec vraiment une vision un peu plus élargie avec des objectifs, des choses comme ça. Et là, avec l'aide aussi notamment des streamers, parce qu'il y a eu Étoile, il y a eu Sardoche qui était venu au début, il y a eu Jiraya aussi, enfin voilà. Il y a eu vraiment un engouement, on a eu une poussée où on a pu faire monter la scène, accueillir des nouveaux joueurs, donc du coup plus de visu, du coup ça commence à intéresser des investisseurs. Donc des gens commencent à investir dans la scène et puis voilà, ça a fait un effet boule de neige. Et alors NTK, il y a une question que je ne peux pas vous poser avant la fin de cette émission. C'est quid des joueuses dans cette communauté? Parce que je sais que pour chaque émission, c'est toujours très compliqué déjà d'avoir des participantes. Mais pour Super Smash, vraiment, je me suis rendu compte que il y avait une vraie carence en termes de joueuses. Est-ce que Super Smash Bros, pour l'instant, malheureusement, ça reste encore une histoire de bonhomme? Alors c'est pas vraiment une histoire de bonhomme parce qu'il y a des joueuses, il y a même des discords féminins, il y a des tournois féminins. Mais donc elles jouent. Il y a des joueuses compétitives, on en a une qui s'appelle Noxia qui est chez une structure qui s'appelle Oplon. Donc Oplon qui est une structure qui a une équipe sur LOL si je me trompe pas. Ouais, c'est quand même c'est une bonne structure. Non, on a des joueuses sur Smash Bros. Maintenant oui, certes, c'est un petit pourcentage. On a essayé d'attirer plus de joueuses, on a essayé d'attirer un public un peu plus féminin aussi, parce que bon, c'est très sympa d'avoir quand même un mix. Enfin, la mixité, c'est vraiment cool en événement. Oui. Notamment, on a essayé de ramener via du Just Dance, via des contacts, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça reste encore très minime. Pour diverses raisons, que je pense que la gente féminine en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais en général, les échos qui viennent, c'est bah, j'ose pas venir toute seule, ou je connais pas trop bien, donc du coup, j'ose pas faire le premier pas, et voilà quoi. Et j'en vois de plus en plus par contre, moi. J'en vois de plus en plus. Moi, j'ai commencé les tournois. Moi, le premier tournoi que j'ai fait organisé par NTK, c'était en 2019. Donc, c'était le premier tournoi que j'ai fait, et j'en fais quasiment là, ce qui se passe avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais j'en fais quasiment un par semaine ou un toutes les deux semaines, et je vois de plus en plus de femmes. Alors peu, un pourcentage qui est quand même un peu plus faible, mais on voit que c'est de ça plus en plus facile et que ça évolue, et aussi c'est vraiment une communauté sympa quoi. Alors je comprends l'appréhension quand on n'y est pas, mais je pense que lorsque ces personnes-là vont une fois en tournoi, elles se rendent compte. Mais c'est le premier pas qui est dur à faire. Oui. C'est en fait le premier pas est compréhensible, c'est dur à faire, surtout quand on connaît pas, avoir tous ces gens-là et on n'est pas en confiance avec tous les, quand c'est quasiment que des hommes, c'est comme la salle de sport. Hein, il y a malheureusement des précédents fâcheux sur d'autres jeux. Clairement. Voilà où les garçons sont pas forcément les plus accueillants, loin de là. Donc on comprend que les joueuses. Mais à la limite, à l'échelle de l'émission, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je contacte des joueuses ou des participantes, il y a malheureusement une véritable défiance. Alors déjà, il faut être disponible quand on enregistre l'émission et être sur Paris. Enfin bref, il y a déjà plein de paramètres, mais il y a toujours ce truc qui revient de se dire, oui, mais souvent, les jeunes filles disent, non, mais prenez plutôt quelqu'un, et elle va me proposer un garçon en disant, lui, il saura quoi faire ou quoi dire, alors qu'en fait, elles sont aussi légitimes, mais il y a encore cette sorte de complexe vraiment, qui, à mon avis, qui est systémique, hein, mais qui change, mais qui change lentement. Mais ça fait plaisir quand elles mettent des coups de pied dans la fourmilière comme Kayane l'a fait. Ah bah évidemment, évidemment. Kayane qui a été une pionnière dans cet aspect-là, quand elle a fait son résultat sur Soulka ou que ce soit à l'Evo, c'est vrai que ça fait plaisir, et on espère un jour que ça arrive sur Smash, ce serait quand même une dinguerie. Mais c'est vrai que c'est un jeu. En fait, les meilleurs mondiaux et les gens qui sont au top sont des gens qu'on connaît depuis des années. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le top 15, alors il y a des anomalies, il y a des petits nouveaux, mais c'est quasiment que des gens qui sont là depuis des années ou qui sont au moins dans les radars et qu'on voit. Donc peut-être qu'un jour il y aura quelqu'un qui arrivera, une femme qui arrivera et qui cassera la tronche de tout le monde. Cassera la tronche de tout le monde. Eh ben, on arrive à la fin de cette émission consacrée à Super Smash Bros. Merci à Gloutoni, NTK, Ryan, Foster et Corentin Benoît Gonin. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de découvrir Super Smash Bros. Ou de comprendre l'engouement autour de ce jeu qui est vraiment une pépite. Hein. J'en profite aussi pour remercier Étienne Bertin qui a réalisé cette émission aujourd'hui. Et à la technique, on le remercie aussi très chaleureusement, Nicolas Delmas. On se retrouve dans 15 jours pour revenir sur le succès du rappeur Orelsan. Et je rappelle, parce que vous avez sûrement vu qu'il n'y avait pas eu de séquence de répondeur en début d'émission, c'est pas parce qu'on a un podcast natif qu'il faut pas appeler le 01 56 40 30 20 pour laisser des messages. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont joué à Super Smash Bros. N'hésitez pas à vous exprimer de la même manière. Si jamais vous voulez être invité, que vous avez une connaissance d'un des sujets qu'on va aborder, et n'attendez pas d'écouter l'émission pour dire « Oh, mais pourquoi il m'a pas invité ?» Envoyez-moi un message sur Twitter, c'est moi qui réponds. Et je vous invite vraiment, c'est votre émission. C'est pas un club VIP. Moi, je veux juste avoir des passionnés autour de la table, et ce fut le cas aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci. Merci à vous. Snake, you know who that is? You're kidding, right? It's Mario. Mario made his first appearance in 1981, and since then, he's become a worldwide phenomenon. There's probably not a single person who doesn't know Mario. He's that famous. Good thing I survived long enough to meet him on the field of battle, huh? Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.